Moi, les nouvelles technologies, pour moi, c'est quasiment un symptôme. C'est quasiment le symptôme d'un problème. Puis, au niveau là, de comment ça se manifeste, il y a une dizaine d'années, j'ai un ami qui était un chimiste qui travaillait pour une minière, qui a fini par être à la retraite parce qu'il était lié là, au niveau d'une équipe là, des techniciens, là, si vous voulez, qui travaillent à puis respirer des émanations. Et puis finalement, ça lui a détruit les poumons. Il est à la retraite maintenant. Il est tombé à la retraite assez jeune là, avec une compensation. Et je discutais avec lui il y a une dizaine d'années que nous avions la technologie et les connaissances pour faire en sorte que les voitures se conduisent elles-mêmes, qu'elles soient régulées par des algorithmes, qu'elles communiquent entre elles, que ça éliminerait des accidents, ça rendrait le trafic plus fluide. Et il m'avait sorti là, un paquet d'arguments comme quoi que ce que je disais est impossible. Puis je lui disais, les satellites pourraient être mis à contribution par rapport à ça, avec les GPS. Et il me sortait des arguments là, comme quoi que ce ne serait pas possible, mais je savais qu'on en viendrait là. Pourquoi ça n'arrive pas aussi vite qu'on le pourrait, c'est parce que les marchés sont liés au fait que les gens veulent conduire leur voiture. Ils ne veulent pas être conduits par leur voiture, ils veulent conduire leur voiture. Donc les marchés sont là pour leur vendre ce qu'ils veulent, là. Et puis ça en est un, là, un symptôme que je pourrais dire qui se manifeste par rapport à la maladie là, de l'être humain. Là, moi, la technologie, en parler, comment que ça me met en colère. L'être humain, il faudrait je veux dire, on a déjà un véhicule, ben, j'ai un véhicule là, ici. Puis c'est de conduire ça, moi, qui m'importe, puis c'est de prendre soin de mon véhicule, puis moi, que le char se conduise lui-même, que mon automobile se conduise elle-même. Ça me dérangerait pas, là, mais non, les gens, ils veulent conduire leur voiture, puis ils veulent avoir un sentiment de contrôle projeté à l'extérieur de leur vrai véhicule, au fond, là, dans le plan matériel. Le véhicule premier, c'est ça ici, c'est pas le crisse de char d'en cours. Mais les gens ont une sorte de puérilité, ça leur prend des bébelles. Ça leur prend des bébelles qui sont une extension, puis aussi une projection. Puis tous les marchés, on aboutit à un consumérisme mortifère. Et l'économie est basée sur ça. L'être humain, je le considère comme... c'est là que je dois faire attention pour pas... je suis un peu misanthrope là, à ce niveau-là quand je vois... c'est comme par exemple, j'avais parlé des armes scalaires, puis là... qui n'aurait pas beaucoup d'informations fiables là-dessus. Pourtant, c'est facile à trouver l'information parce que des démonstrations ont été faites pour vendre des actions là, à des actionnaires, dont une compagnie allemande là, qui a siège au Québec et une autre compagnie là, que vous connaissez peut-être. Et puis, ils ont testé là, des véhicules qui envoient des champs de micro-ondes pour... c'est vendu comme quelque chose qui pourrait servir à éloigner des manifestants. Et ça a été testé des journalistes, là. Ça a été testé sur eux. Et c'est impossible de rester à un endroit quand... Pour moi, la technologie actuelle, je vais employer un terme métaphorique, là, entre guillemets, c'est luciférien. C'est un outil de contrôle. C'est un outil de... Les gens, je veux pas pasticher mon rôle, paraphraser le citer, mais quand ils parlent là, de posséder des choses pour finir par être possédé par elles, ou je ne sais plus, là, ben, il y a du vrai là-dedans, là. Mais il reste que c'est comme prenez là, les panneaux solaires. Il suffirait de bâtir quelque chose qui serait un peu fait comme une lunette d'observatoire, si vous voulez. Vous braquez ça sur le soleil, vous convertissez le rayon dans des tubes là, dont l'intérieur serait en des céramiques vitrifiées là, à haute densité, avec à l'intérieur là, quelque chose qui ressemble à du silicone, mais qui serait fait avec du silicate là, sous pression. Puis il y aurait moyen de faire chauffer de l'eau et faire fonctionner des turbines et d'avoir des centrales comme ça à énergie solaire, mais pour le marché, c'est plus payant de fabriquer des millions de petits panneaux. Et puis même là, si vous regardez l'histoire du pétrole, et puis une des choses qui me choque là-dedans, c'est par exemple que avant le pétrole, il y a eu les machines à vapeur qui fonctionnaient au charbon. Et c'est à partir de là qu'on a trouvé des applications, là, les premiers théoriciens de la cybernétique, de ce qui est autorégulé par rapport à faire sortir la vapeur des machines d'une façon autorégulée par des sphères de métal qui tournaient sur elles-mêmes. Et quand ça tournait trop vite, là, ça s'éloignait, ça ouvrait deux trappes, la vapeur sortait. Et puis, quand ça revenait à la normale, là, les deux sphères se rapprochaient, ça refermait. Ça en est ça de la cybernétique. Et puis, mais au fond, tout ce qu'il y a de réellement brillant, tout ce qu'il y a de réellement intelligent, finit tout le temps par être utilisé d'une façon qui, comme je vous dis, là, les marchés sont faits pour eux. Et puis, ils sont basés sur l'immaturité des masses. La cinquième année, on m'a remis une calculatrice. Je me suis mis à travailler avec une calculatrice et j'ai perdu des facultés à cette époque-là de calcul mental. Et à partir de ce moment-là, là, je me suis mis à voir la technologie comme une béquille, comme un symptôme, comme quoi que l'être humain, il compense. C'est une compensation, la technologie. Si l'être humain comprenait la matière, il n'aurait pas besoin de technologie, au sens où il pourrait avoir un rapport sain avec la matière, il n'aurait pas besoin de compenser, puis il n'y aurait pas de projection. Le pire, c'est l'être humain, il va finir un jour, possible, ben, l'être humain, peut-être pas l'être humain comme ce que je vois là, quand je vais sur la rue, puis que je vois des humains, là, de, disons un jour l'homme, il va pouvoir matérialiser des choses, il va finir par maîtriser la matière, mais pas, moi je le verrai pas de mon vivant, là. Mais les imprimantes 3D, par exemple, sont un début, une entrée vers ça, là. Parce que vous savez, un objet, vous pouvez le changer de. Si vous changez la fréquence d'une forme, vous changez ses propriétés, et puis à un moment donné, au niveau de des fréquences, il va être possible de matérialiser des choses, de les dématérialiser, parce que c'est de jouer là, avec des plans de fréquences différents. Moi, de la façon dont je vois ça, il y a différents plans, puis c'est fréquentiel, c'est les fréquences qui fait que, comme la cinétique, là, vous faites vibrer une plaque de métal à une fréquence précise, une forme précise apparaît au niveau du sable qu'on met sur la plaque ou d'autres formes de. Mais je ne vois pas, là, vraiment. C'est difficile pour moi de parler de la technologie ou des nouvelles technologies. Parce qu'à mes yeux, les technologies que je vois apparaître, là, comme par exemple, il y a des appareils photo en Corée maintenant, là, vous sortez une pellicule, puis vous donnez un coup, puis ça prend en photo, puis c'est un film au fond. Puis vous allez pouvoir produire, imprimer une photographie qui est un film. La photo, ça bouge. Vous regardez la photographie et c'est un film au fond. Mais ça, pour moi, ce n'est pas des nouvelles technologies, ce n'est même pas de la technologie, c'est des niaiseries. C'est des bébelles, pour moi, c'est pas de la technologie, ça. Si jamais un jour, l'être humain est capable, là, d'imprimer sur mesure, au niveau 3D, les manches artificielles qui vont être parfaitement adaptées à quelqu'un, et puis d'en faire une copie dans un matériau, là, ça n'est plus pareil, mais c'est cet aspect-là des choses qui évolue le plus lentement. Puis, aussi, l'être humain, est-ce qu'il va être capable dès qu'il touche à la véritable technologie, la technologie réelle, c'est-à-dire le vivant, dès qu'il lui touche, il produit des monstruosités. Il ne tient pas compte il ne tient pas compte de son ignorance. Nous fabriquons des molécules synthétiques. Et nous faisons ingérer ça aux gens, et au fond, le marché qui doit être exploité sert aussi de cobaye, et puis finalement, des médicaments qui font naître des bébés pas de tête, ça prend des années avant de les retirer du marché, et puis l'être humain n'a pas la maturité pour mériter une technologie réelle encore. Et ce n'est même pas une question de mérite, c'est une question de le protéger jusqu'à un certain point. Et au niveau de la science, l'être humain est accompagné dans ses découvertes. Ce que l'être humain découvre et sans le savoir, il est sous régence, là, il est surveillé. Vous avez des gens qui vont arriver au bureau de brevet, ils ont fait exactement la même découverte, ils ont eu exactement la même idée, ils arrivent en même temps. Pourquoi? Parce que cette idée-là a été lancée en l'air, si on peut dire, elle a été captée par deux personnes en même temps, parce que les intelligences qui se manifestent à travers ça, ils connaissent l'être humain, ils connaissent, donc ils vont semer à différents. Pour être certain là, que dans un jardin, un endroit précis qui pousse une fleur, vous êtes aussi bien de semer plusieurs graines, là. C'est la même chose. Ça finit que plusieurs personnes en même temps arrivent au bureau de brevet pour faire breveter la même chose, ce qui crée des situations assez comiques. Mais la technologie, les gens vont souvent dire c'était. C'est souvent par l'accident, par hasard, on découvre les choses les plus intéressantes. Mais moi, à mes yeux, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Mais l'être humain, comme d'autres ont dit, l'être humain pense qu'il pense. Mais l'intelligence, moi, je ne me considère pas comme intelligent. Il y a de l'intelligence qui est capté, là. L'être humain, c'est une coque qui se remplit de. Et puis même, là, la technologie réelle, c'est le vivant, c'est des technologies liées à l'esprit. Je ne peux pas contrôler les appareils technologiques autour de moi à partir de ma pensée, au niveau d'une volonté parce que. Mais au fond, la matière, ce n'est qu'elle s'est faite de la même subtilité que le reste, c'est juste que c'est plus dense. Mais c'est comme je. Mais il ne devrait pas y avoir de besoin d'intermédiaire. L'être humain est c'est tellement arriéré, hein, l'être humain. Pas rien de nouveau, je vois. C'est des niaiseries. Et puis même là, au niveau de la chimie, et puis de la physique, et puis l'être humain est tellement. Prenez les Japonais, un peuple si intelligent, ils sont allés construire une centrale nucléaire sur une faille tectonique sur le bord de la mer. Les Japonais qui sont, ce n'est, mais le plus intelligent des humains est un crétin à un certain niveau. Je veux dire. Il pense qu'il comprend, mais l'énergie nucléaire, l'être humain n'a pas encore la maturité il pense qu'il comprend, mais au fond, tout ça va servir justement à se rendre compte qu'il ne sait pas. C'est une bonne chose, quelque part, Fukushima, mais là, il y en a, ça risque de mal passer ce que je dis là, mais tout c'est. Les poissons morts, et puis toutes ces choses-là qui vont arriver à cause de ça, et puis les bébés déformés de Tchernobyl, et c'est des chocs, c'est bon. À mes yeux, c'est très bien. Mais là, il y en a, ils vont dire ben, que je suis négatif. Non, je vous le dis comme je le vois. Moi, je ne suis pas un être technologique. Je ne suis pas un être technologique. Et puis. Au niveau de ce que je trouve le plus intéressant, ce n'est pas de la technologie matérielle, là, au sens où on l'entend maintenant. C'est de la technologie. L'important, c'est que d'être capable d'agir sur la matière à partir du mental, pas de se faire agir sur son mental par la matière à partir de la matière, que la matière, au fond, devient un support d'assujettissement de. C'est en ce sens-là que je vous dis que c'est luciférien, puis c'est pas à prendre au sens que d'autres y donnent, là. C'est une question que l'être humain est dominé dans son mental à partir de des supports matériels. C'est le mental qui devrait assujettir la matière, pas le contraire. À un moment donné, il va avoir un revirement. Et ça va, bon, mais pas certainement pas maintenant, puis je ne verrai pas ça de mon vivant, ça c'est certain. En tout cas, moi, au fond, on ne sait jamais. Mais là, peut-être que j'en ai assez dit. Mais c'est ce qui me vient sur ça, les nouvelles technologies.